l'île de la Réunion, il est précisément 10h. Voici le journal de France Info sur la première. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. 1h30 d'attaque frontale, d'échanges musclés, un ton très agressif entre Hillary Clinton et Donald Trump cette nuit pour leur premier débat. On verra avec notre correspondante à New York s'il y a un vainqueur. Les salariés Alstom de Belfort sont en route pour Paris pour venir manifester devant le siège du groupe et ils sont dans un TGV qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Si le chômage augmente, c'est à cause des attentats. Voilà l'explication du gouvernement aux mauvais chiffres du mois d'août. Très mauvais chiffres, la plus forte hausse depuis 3 ans. Des insultes, une clé de bras et des menaces de viol. Voilà ce que des policiers auraient fait subir à un homme, un chercheur de la Sorbonne. Il va porter plainte. France Info. Vous dormiez donc en pleine nuit, vous avez de la chance. France Info a suivi pour vous le débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ce face-à-face entre les deux principaux candidats à la Maison-Blanche a duré un peu plus d'une heure et demie. Il a démarré par une poignée de main et des sourires. Mais l'ambiance est rapidement devenue électrique. Charlotte Alix, vous êtes en direct de New York pour France Info. Alors qui s'en est le mieux sorti ? Eh bien, d'après la presse américaine, c'est Hillary Clinton qui sort victorieuse de cette joute verbale, très préparée quand Donald Trump semblait dans l'improvisation la plus totale. Sourire aux lèvres, elle a fait de ce premier débat un réquisitoire contre son rival. Elle a accusé, exemple précis à l'appui, d'être misogyne, menteur et même raciste. Elle a aussi longuement attaqué sur sa gestion de l'Empire Trump et son refus de publier sa déclaration d'impôt comme le veut la tradition. Peut-être, dit-elle, parce qu'il ne paie pas d'impôt sur le revenu. Et Donald Trump a mordu à l'hameçon. Sur la défensive, il s'est emporté, se montrant parfois agressif, parfois souvent brouillon. Il a manqué plusieurs opportunités d'attaquer sa rivale et ses coups n'ont pas déstabilisé Hillary Clinton, comme ici lorsqu'il a fait allusion aux récents problèmes de santé de la candidate. Je ne pense pas qu'elle ait l'endurance. Pour être président de ce pays, vous devez avoir une énorme endurance. Quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents, ou quand il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'endurance. Vous l'aurez compris, Hillary Clinton a cherché à mettre en avant son expérience. Elle a de l'expérience, oui, mais c'est une mauvaise expérience, a répliqué Donald Trump, qui s'est présenté comme le candidat du changement. Au final, beaucoup d'attaques et peu de substance. Pas sûr que les indécis le soient moins après ce premier débat. Et Donald Trump aura l'occasion de prendre sa revanche. 2 autres débats sont programmés les 9 et 19 octobre. Merci beaucoup Charlotte Alix, en direct de New York pour France Info. Et on en reparle bien sûr, ce sera avec Frédéric Carbone cette fois et aussi avec Thomas Negaroff tout à l'heure à 8h10 de ce premier donc débat présidentiel aux États-Unis. Plus de pain, plus d'eau potable, plus de médicaments. La situation est catastrophique dans les quartiers rebelles de la ville d'Alep. Les bombardements se poursuivent. Ils ont fait 140 morts en 4 jours. En Colombie, le chef des FARC demande pardon à toutes les victimes de la guerre. C'est la première fois. Il l'a fait hier soir lors de la signature des accords de paix avec le gouvernement. Pour la petite histoire, le document a été signé avec un stylo spécial fabriqué avec une balle du conflit. Il est 8h03 sur France Info. Les salariés d'Alstom appelés à faire grève aujourd'hui. Tous les salariés, les 9000 qui travaillent dans les 12 sites du groupe, pas seulement ceux de l'usine de Belfort. Mais cette journée de mobilisation revêt évidemment une importance particulière pour eux. Les salariés de Belfort sont d'ailleurs en ce moment dans un TGV direction Paris pour aller manifester devant le siège d'Alstom à Saint-Ouen. Un reporter de France Info, Jérôme Jadot, est dans le train avec eux. Le TGV qui entre en gare, les salariés d'Alstom le connaissent bien, ils en ont forcément fabriqué les motrices. De toute façon, il y a des gens des essais qui seront là en cas de panne, il n'y a pas de souci quoi. Monter à Paris à bord de sa production, cela a évidemment du sens. Venu comme beaucoup de ses collègues en tenue de travail rouge et grise, flanqué d'un autocollant non à la fermeture, Stéphane, ingénieur sur le site de Belfort depuis 20 ans, dit être là pour montrer sa détermination et aussi que des solutions existent. On a plus de 1000 locomotives à fabriquer en Inde, on n'en fabrique pas à Belfort, donc on en demande pas beaucoup, une dizaine, et puis ça nous permettrait de continuer quelques années, et puis en attendant de futures commandes à venir de la SNCF ou de la RATP. Les salariés d'Alstom ne s'attendent toutefois pas à faire bouger les lignes aujourd'hui. Beaucoup comptent sur les propositions à venir du gouvernement qui veut apporter des commandes. Florian Jardinier, câbleur et délégué FO, n'y croit pourtant plus. On a vu avec tout ce qui s'est passé dans les autres boîtes où ça a fermé, le gouvernement n'a servi à pas grand chose en fait. Il sert franchement à rien, à part à faire du vent. Florent, Jolnay, Continental, Goodyear, c'est quand même les patrons qui commandent, hein, c'est pas les politiques. D'où le message qu'ils veulent faire entendre à leur patron tout à l'heure. Belfort, site historique d'Alstom, d'où est sorti le premier TGV il y a plus de 40 ans, ne fermera pas comme ça. À bord du TGV Belfort-Paris, Jérôme Jadot, France Info. Qui a arraché la chemise du DRH d'Air France? Cette question est au cœur du procès qui s'ouvre aujourd'hui à Bobigny. 15 salariés de la compagnie vont être jugés pour cette affaire qui remonte à l'an dernier. 50 000 chômeurs de plus recensés le mois dernier. Une hausse d'1,4% pour la catégorie de référence. C'est la plus forte augmentation depuis 3 ans. Et toutes les tranches d'âge sont concernées, les jeunes comme les plus de 50 ans. De très mauvais chiffres que le gouvernement tente malgré tout de relativiser, Yannick Falt. C'est même une opération dédramatisation. L'Élysée retient que la tendance était à la baisse depuis plusieurs mois et que la priorité est d'obtenir un recul durable. On ne commande pas les chiffres quand ils sont bons, on ne les commande pas quand ils sont mauvais, assure un conseiller de François Hollande qui renvoie au ministère du Travail. Myriam El-Khomri, elle, reconnaît un trou d'air mais avance deux arguments. Un, les difficultés dans les secteurs du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie-restauration depuis les attentats de juillet. Deux, un aléa statistique, le nombre de jours ouvrés importants en août qui aurait conduit les chômeurs à davantage actualiser leur situation et donc à rester inscrits. Pas de quoi convaincre l'opposition, très rapide à réagir. Pour Nicolas Sarkozy, le changement de politique économique est la seule alternative possible. Un changement radical, demandent Alain Juppé et François Fillon. Les candidats à la primaire à l'unisson, quand le chômage monte à droite, les tensions baissent. L'école française creuse les inégalités et ça fait 30 ans que ça dure et c'est à cause de l'éducation prioritaire qui ne fonctionne pas. Ce constat est fait par le CNESCO, c'est un organisme scientifique qui a été spécialement créé pour évaluer le système scolaire. Il publie ce matin une grande enquête. À présent, un témoignage, celui d'un homme qui accuse la police de violence et de menaces. C'est un enseignant-chercheur de la Sorbonne, également militant au nouveau parti anticapitaliste. Il dit avoir été agressé par des agents la semaine dernière à Saint-Denis, alors qu'il était en train de filmer une arrestation. Il a raconté son histoire hier lors d'une conférence de presse. Stéphane Père. Jeudi dernier, vers 20h, aux abords de la gare RER de Saint-Denis, des policiers menottent une femme. Guillaume est présent. Il sort son téléphone portable et se met à filmer l'opération policière qu'il juge disproportionnée. Les policiers le remarquent. La suite relève, si les faits se confirment, d'un abus policier manifeste et très grave, dont l'IGPN, la police des polices, n'est pas encore saisie. Car pour obliger ce doctorant de la Sorbonne à supprimer le contenu de son téléphone portable, les policiers auraient non seulement commis des violences inutiles, clés de bras, des charges de taser, mais aussi proféré des menaces, dont certaines à caractère sexuel accompagnées d'attouchements. Guillaume Davot. Puis il y a eu un crescendo avec les violences, les insultes, les menaces, l'adresse, la profession. Il n'y a pas à hiérarchiser ce qui s'est dit entre mourir ou être violé. Ce qui était particulièrement traumatisant, c'est que les menaces de viol étaient accompagnées d'attouchements. Dans les propos, il faisait référence à l'État islamique, il faisait référence à Daesh, en m'accusant de me faire l'allié de Daesh avec ce que j'avais fait en les filmant. Guillaume a décidé de saisir le procureur de la République de Bobigny et le défenseur des droits, devant son témoignage accablant relayé par les réseaux sociaux. Le cabinet de Bernard Cazeneuve l'aurait incité à saisir l'IGPN pour vérifier les faits. Deux grands noms de la police française ont passé la nuit en garde à vue. Bernard Squarcini, qui a dirigé le renseignement intérieur, et Christian Flech, ex-directeur de la PJ parisienne. On ne connaît pas les raisons précises de leur garde à vue, on sait juste que c'est dans le cadre d'une enquête pour violation du secret d'instruction et trafic d'influence. Un euro million, nouvelle formule, est lancée aujourd'hui. Le jackpot est plus gros, mais les chances de le remporter sont plus faibles. Au lieu de cocher 2 étoiles parmi 11, il faudra les choisir parmi 12, ce qui fait une chance sur 140 millions de décrocher le jackpot. En football, Lyon et Monaco disputent ce soir leur deuxième match de poule de Ligue des Champions. L'OL se déplace à Séville. Les Monégasques affrontent le Bayer Leverkusen. Mathilde Munoz, merci beaucoup. Il est 8h08 sur France Info, l'œil sur le ciel. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Les nuages sont en ce moment à mi-hauteur. Seuls les plus hauts sommets et les cirques resteront au soleil. Il risque de pleuvoir aujourd'hui sur Salazie, de quoi ravir surtout les agriculteurs de la région. Et puis dans l'après-midi, le temps sera gris dans les hauts de Saint-Paul. En revanche, il continuera de faire beau sur les côtes ouest et sud. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Dans la deuxième, pour le prix Communauté des communes, il fallait trouver le 15, l'As, le 7, le 6, le 11, le numéro plus, le 0307. Je vous les redonne donc, 15, As, 7, 6, 11, numéro plus, le 0307. Alors aujourd'hui, dans la troisième course pour le prix de Beaune sur l'hippodrome d'Anguin et pour un montant de 5 800 000 euros, voici les pronostics de Twinner du GIR. Le 10, le 6, l'As, le 11, 12, 7, 4 et le 14, le 10, 6. As, 11, 12, 7, 4 et le 14.

toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans ? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Creole, le talent show Made in Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Les experts de la rénovation énergétique sont sur Réunion Première jusqu'à 11h30. Nous accueillons Anne Secret de l'Agence départementale de la formation sur le logement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Emmanuel Payette du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons également alors Joanne Olivard de la SPL Énergie Réunion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent pour un sujet très important parce que nous sommes sur la rénovation énergétique. On est là aussi pour répondre à toutes les questions, évidemment, au 02 62 99 2000. Alors, une petite question, mais alors toute simple. Est-ce qu'une maison, la maison actuelle que nous avons, consomme beaucoup d'énergie? Alors, la maison d'aujourd'hui, elle peut consommer elle beaucoup. Elle peut consommer beaucoup d'énergie. Ouais. Ça dépend un peu de ce qu'on fait, de ce qu'on y met, de comment on se comporte aussi à l'intérieur. Donc on va voir après ensemble, un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette surconsommation d'énergie. Alors une maison qui consomme beaucoup, on appelle ça énergivore. C'est ça. C'est le nom que l'on donne. Énergivore. Mais après, une maison, on voit nos anciens, ils habitaient aussi des maisons, pour autant qu'ils n'étaient pas énergivores. On sait qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a l'électricité à La Réunion, qu'on a toutes ces technologies. Donc, ça veut dire qu'une maison peut être économe en énergie. Alors, expliquez-nous comment une maison peut consommer autant d'énergie. Joanne Olivard de la SPL. Voilà. Oui, en fait, il y a deux paramètres principaux qui expliquent que la maison consomme ou pas beaucoup d'énergie. Il y a bien entendu l'évolution de la société, donc avec l'augmentation du taux d'équipement des ménages. Donc, pour dire basiquement, tout simplement, c'est le fait que le nombre d'appareils électroménagers augmente dans les maisons. Elles sont donc de plus en plus consommatrices d'électricité. Il y a ce premier paramètre-là, associé parfois ou très très souvent au fait que les gens, en fait, ont de mauvaises habitudes de consommation ou d'utilisation des appareils électriques. De mauvaises habitudes, Oui, notamment en achetant le frigo de dernière génération, qui n'est pas forcément très très économe, qui fait des glaçons, etc., notamment des frigos américains, type, et qui consomment énormément d'électricité, par exemple. On ne se rend pas compte. Voilà, par exemple, associé au fait qu'on ouvre, on ferme très très souvent le frigo, on laisse l'éveil sur les appareils, on laisse les lumières allumées quand on sort d'une pièce, tous ces petits gestes que nous disaient nos parents et nos grands-parents, qu'on a souvent oubliés et qui trahissent au fait une grosse facture d'électricité à la fin du mois ou tous les deux mois, tous les six mois. Donc là, il faut juste changer un petit peu son comportement, alors, c'est ça? Il y a ça et il y a le fait aussi d'acheter éco-responsable. C'est vrai que les gens sont parfois pris dans d'autres problématiques budgétaires, mais la problématique d'électricité fait partie de cet ensemble, de cette problématique budgétaire d'ensemble. Et du coup, l'idée, c'est de dire aux gens aussi, achetez malin, achetez intelligent, en faisant les bons choix lorsque vous achetez des appareils électriques. On est, au niveau de la SPL Énergie Réunion, à disposition de toute personne qui se poserait ce type de questions. Alors, la maison, elle consomme surtout beaucoup d'énergie le soir. Emmanuel Payette. Alors le soir, si on parle des gens qui sont actifs la journée et qui sont en extérieur, donc ils vont consommer plus le soir, mais il faut penser quand même aux familles qui sont la journée à la maison. Pas que l'électricité, enfin il n'y a pas que la lumière en fait, il y a aussi tout ce qui est climatisation, ventilation, il y a également tout ce qui est télévision. Les ordinateurs qui sont non seulement qui consomment de l'électricité, mais qui aussi produisent de la chaleur. Donc ça peut atténuer le confort des usagers. Donc il y a tous ces éléments-là la journée qui peuvent fonctionner. Et puis l'eau, parce qu'on parle d'électricité, mais la consommation d'eau qui est importante à La Réunion, sachant que l'eau à La Réunion ne coûte pas très cher par rapport à la métropole. Et donc il y a aussi un gaspillage de l'eau qui est fait assez régulièrement. Anne Secret, pourquoi cette campagne en fait, sur la rénovation énergétique? Bah effectivement, la rénovation énergétique est au cœur des préoccupations des ménages réunionnais. Parce que, comme on vient de le dire, être bien chez soi, avec sa famille, dans un logement où on n'a pas trop chaud, où on n'a pas trop froid, est vraiment important. Alors déjà, pour un premier point de vue de confort, mais aussi faire des économies d'énergie, c'est économiser sur sa facture. Et ça, effectivement, la question du budget est primordiale pour tous les ménages. Ça, parfois, on ne se rend pas compte que sur la facture, on s'aperçoit que si, il y a une petite amélioration. Donc, mais parfois, on va juste regarder le montant qui est à payer, c'est tout. C'est ça. C'est les gens ont du mal à comprendre les informations. On ne peut pas lire la facture. Il faut comprendre aussi que même pour nous qui travaillons dans le domaine, on en apprend tous les jours. Donc on peut tout à fait aisément comprendre que les gens qui regardent la facture vont de prime abord au montant toute taxe comprise et ne comprennent pas forcément la totalité des informations qui s'y trouvent. Du coup, c'est vrai que nous, on est là pour faire de la pédagogie lors des réunions d'information en collectivité territoriale, à la demande d'association, pour aider justement le particulier lambda qui a de grosses factures à comprendre les éléments, et notamment les taxes qui se trouvent sur la facture d'électricité, et à comprendre aussi comment lui, dans sa vie de tous les jours, il peut réduire sa facture d'électricité. Il y a énormément de choses qu'un individu lambda peut faire pour maîtriser sa consommation d'électricité. Les experts de la rénovation énergétique sont sur la première. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000. Si vous avez essayé de réduire votre consommation d'énergie, est-ce que vous dormez les fenêtres fermées? Est-ce qu'il y a une ventilation naturelle? On en parle sur la première. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh. La rénovation énergétique, on en parle sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Avec Anne Secret de l'Agence départementale d'information sur le logement, Emmanuel Payette du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et puis Joanne Olivard de SPL Énergie Réunion. Alors, moi j'ai pour souvenir, par exemple, les maisons de l'époque, d'il y a 40, 50 ans, voire un peu plus, ces maisons qui avaient des trous dans le mur, sur la façade avant, avec des trous. Donc, ces trous servaient pour la ventilation. Emmanuel Payette. Exactement. Alors, vous dites 50 ans, mais même peut-être 19e siècle. C'est vrai. Hein, les maisons, les premières cases créoles en bois traditionnelles avec leur décoration, les lambrequins, avec les frontons, etc. qu'on retrouve encore sur nos cases créoles aujourd'hui. Au-dessus des fenêtres ou des portes, il y avait une petite dentelle en bois ouvragée, là, en fait, qui laissait l'air passer. Donc au-dessus des ouvertures, parce que l'air chaud a tendance à monter, et donc pour faciliter l'évacuation de l'air chaud dans les logements. Donc on voit bien que des bonnes solutions, ça existe depuis très très longtemps et qu'on peut s'en inspirer encore aujourd'hui. Donc en clair, Joanne Olivard, il faudrait revenir un petit peu à ces anciens concepts-là, c'est ça? Oui. Aller faire des trous dans les murs de sa maison. Alors pas n'importe comment. Ah, oui. Peut-être pas des trous maison. Directement libres qui est par rapport à l'extérieur. Alors mais... c'était des cases créoles, des cases Satech, des cases Tommy. Alors c'est même avant avec les cases Satech. C'était avant. C'est la case créole traditionnelle en bois. Case... Ou alors la case Tommy aussi, qui développait les mêmes thématiques. Mais même, on a des immeubles des années 50 sur Saint-Denis, d'un architecte qui s'appelle Jean Bossu, par exemple, qui est classé monument historique, l'immeuble des Remparts, qui, dans une version plus moderne, hein, ça ressemble plus à une grille d'aération, met ça en pratique aussi. Donc, c'est des éléments qu'on retrouve sur des constructions anciennes et qu'on retrouve encore aujourd'hui, parce que c'est revenu d'actualité, sous des formes différentes. Donc c'est des éléments, mais attention, c'est pas quelque chose à faire comme ça n'importe comment. C'est vraiment à penser depuis la conception du logement ou de sa réhabilitation et avec le conseil d'experts ou de professionnels. Voilà. Alors je vous invite à composer le 02 62 99 2000 si vous possédez par exemple ce genre de maison, cette case à l'ancienne, cette case créole, même la case Tommy. Dites-nous si vraiment on se sent bien à l'intérieur, si tout est pensé, tout est calculé pour tenir compte aussi du climat. On en parle sur la première au 02 62 99 2000. Oui, Joanne Olivard, je vous ai coupé tout à l'heure, donc ces maisons à l'ancienne. Oui, du coup. Ils avaient pensé à tout. Oui. Presque. Presque tout, oui. Presque tout. C'est vrai que c'était très très bien ouvragé, très très bien calculé. Bien agencé aussi, quelque part. Aussi, en général, notamment pour les pièces à vivre, et de faire de telle sorte qu'il y avait des courants d'air, une circulation d'air qui se fasse aisément entre l'avant et l'arrière de la maison, et donc tout au long de la maison. C'est important, la circulation d'air. C'est très très important, c'est le béaba en termes de réflexion sur la construction. Cela permettra par la suite d'éviter la climatisation à outrance, et derrière l'augmentation de la consommation de pétrole et de charbon sur l'île de la Réunion. Donc quand on voit le nombre de demandes de logement en attente, on anticipe très bien le fait qu'il faut réfléchir aussi en amont à la construction, que ce soit en individuel ou en logement collectif, pour que faire en sorte que les personnes qui acquièrent de nouveaux logements puissent se sentir aussi à l'aise, avoir un confort thermique agréable à l'intérieur de la maison. Et ça passe par la réflexion. Alors après, on nous disait aussi que pour la case Satech, cette dalle en béton, elle apportait surtout de la chaleur. Quoi. C'est Emmanuel Payette, Anne Secret, oui. C'est case Satech. Oui, c'est l'arrivée du béton à la Réunion. Alors c'est sûr, quand on compare par rapport à la solidité des paillotes, hein, je précise bien, pas des cases en bois, mais par rapport aux paillotes, parce qu'aux paillotes, jusqu'en les années 50, il y avait encore 70% des Réunionnais qui vivaient dans les cases en paille. Donc c'est vrai que l'arrivée du béton était intéressant. Mais après, par rapport au confort, parce que le béton stocke la chaleur, il n'y avait pas encore d'isolant sur cette toiture, cette dalle béton. Donc effectivement, il faisait plus chaud, même s'ils avaient installé des jalousies, des éléments de ventilation, des ouvertures traversantes. Mais cette dalle-là était quand même très chaude. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit souvent, on reconnaît difficilement les Satech, parce que les propriétaires, généralement, ils rehaussent, ils rajoutent un étage supplémentaire. Et ils profitent du coup pour agrandir la maison et régler cette problématique de dalle chauffante. Alors, Anne Secret de la DIL, est-ce qu'il existe des aides pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient surtout éco-rénover sa maison? Oui, bien sûr. Il existe donc un grand nombre d'aides. Bien sûr, il va falloir regarder quel est le projet que l'on souhaite, opérer pour vérifier, et c'est le rôle de la DIL d'ailleurs, de vérifier si tel ménage est éligible à tel ou tel type d'aide. Il y a des aides tout d'abord financières, donc qui, comme leur nom l'indique, permettent de financer les travaux économes en énergie, qui interviennent donc en amont des travaux. Et ensuite, des aides fiscales a posteriori, qui permettent d'un côté d'encourager les investissements économes, puisque ce sont des avantages fiscaux. Donc là, je pense au crédit d'impôt, par exemple, sur la transition énergétique. Pour prendre un exemple très fréquent à La Réunion, vous changez, vous investissez dans un chauffe-eau solaire par exemple, eh bien vous pouvez avoir un crédit d'impôt, c'est-à-dire un avantage fiscal qui va vous permettre de déduire de votre impôt final à payer une partie de la dépense que vous avez engagée pour ce chauffe-eau solaire. L'exemple est valable pour des travaux ou des matériaux, l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et de protection solaire à la fois. Si après calcul, par exemple, vous vous retrouvez avec un crédit d'impôt, donc un avantage fiscal de 900 euros, et que vous avez 1000 euros d'impôt à payer, eh bien, vous aurez une réduction de votre impôt à payer de 900 euros. Ce qui est quand même intéressant. Ouais. C'est plus qu'intéressant. Exactement. Là, ouais. C'est incitatif et pour un confort. Le public est au courant? Alors, oui, il est au courant et c'est aussi l'objet de notre venue c'est également. C'est très important, ça, parce oui, que... tout à fait, tout à fait. C'est aussi l'objet de notre venue aujourd'hui, de cette émission. Merci, je vous en remercie. Ouais. La DIL que je représente aujourd'hui a pour mission principale d'informer le public, donc qu'il soit particulier ou professionnel, donc sur tous les aspects qui concernent le logement, notamment la rénovation énergétique. Là, je parle de fiscalité, mais il y a des aides auxquelles tout à chacun peut prétendre, quel que soit le logement, qu'il soit neuf ou ancien. Je pense notamment aux aides locales, les aides d'EDF, dont on parlera peut-être après, qui sont incontournables, ces aides. Lorsqu'il s'agit justement acheter un chauffe-eau solaire et le faire installer par des entreprises qui peuvent le faire, qui disposent aujourd'hui d'un signe de qualité, dont on parlera après, je suppose, le signe de qualité RGE, qui est fondamental pour prétendre à ces aides. Ces aides d'EDF Prime Agir Plus, isolation également, vous permettent, lorsque vous achetez des matériaux avec des partenaires certifiés, d'avoir une économie sur votre achat. Vous avez une prime, donc une déduction sur votre facture. Mais directement. Ces matériaux, au départ, coûtent cher ou pas? Ça, c'est la question que nous avons, alors, donc on nous pose. Mais alors, c'est vrai qu'à l'achat ou à la rénovation, ça va coûter bonbon, non? Ou pas, Joanne Oliver? Ça coûte un certain. Même si on dispose, si on a des aides, etc., ce qui est très bien, attention. Oui, il faut pas négliger cet aspect-là. C'est vrai que le fait d'isoler thermiquement la maison et de mettre des façades, des baies vitrées en double vitrage, ça représente un certain coût. Après, mais quelque part, on serait gagnant sur le long terme. Et malgré tout, il y a ce que vient de dire ma collègue de la DIL, c'est qu'il y a maintenant il y a des aides qui se complètent les unes aux autres. Le ministère du Développement Durable a fait en sorte que les aides puissent se compléter les unes aux autres pour justement faire baisser le prix des isolants et de tout matériau qui permet d'isoler la maison. Derrière, si le particulier prend rendez-vous avec nous, l'un d'entre nous, et réfléchit en amont à son projet d'isolation et de construction, derrière, il y a possibilité aussi de faire baisser grandement, de façon très très significative, le coût de l'isolation de la maison et de l'éco-construction. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Nous irons tout à l'heure retrouver Willy au téléphone. Il est de Saint-André dans l'Est. Et puis, si vous souhaitez aussi réagir par SMS, c'est tout à fait possible au 06 92 70 2000. Si vous avez besoin de quelques conseils, de précieux conseils surtout, pour rénover votre maison, pour construire votre future habitation, et puis pour penser aussi un petit peu à l'éco-rénovation, on est là pour en parler jusqu'à 11h30 sur la première, au 02 62 99 2000. Remonter dans le train, même s'il n'y a pas de rail. Pour le on ne la voit pas venir. La lame des souvenirs, de route secours en vieille blessure. Faut bien rester dans la voiture, même s'il n'y a pas de route pour la vie sans le doute. Selon vous, votre maison consomme-t-elle beaucoup d'énergie? Et lorsque vous arrivez en fin de journée, est-ce que vous allumez tout à la maison? On peut revenir dessus parce qu'il y a des gestes importants à mettre en application, parce que c'est pour être surtout éco-citoyen. On parle de l'éco-rénovation, mais aussi de la construction en tenant compte un petit peu du climat, avec les experts sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Willy de Saint-André, bonjour Willy. Oui, bonjour Monsieur Montané, bonjour à tous les invités. Bonjour. Alors Anne Secret, qui est de l'Agence départementale d'information sur le logement, Emmanuel Payette du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et Johan Olivard de la SPL Énergie Réunion. Alors votre question Willy, pardon. Oui, moi je travaille sur un projet actuellement. Justement, qui est en adéquation avec ce que propose, ce que j'entends depuis ce matin sur l'émission, c'est-à-dire une maison éco-économique, éco-climat, c'est-à-dire je compte faire venir des maisons qui sont déjà en bois, on va dire comme des chalets, montés par panneaux, c'est-à-dire éviter au maximum le béton, et qui a été pris en compte dans la construction pour la RTA DOM, pour dire la ventilation, enfin plein de choses, le climat, la température, donc qui peut tenir chaud en hiver et qui peut qui garde dans la fraîcheur en été. Donc il y a des maisons qui ont déjà fait ses preuves en Afrique du Sud, dans un pays chaud, et dans les pays scandinaves. Donc c'est des maisons en bois. Et rajouter à cela, faire comme je fais en électricité avec la domotique, faire de la gestion d'énergie. Donc, est-ce que ça pourrait intéresser les gens? Je lance ce projet. Est-ce qu'on pourrait avoir des aides pour lancer ce projet ici? Alors, vous avez l'air d'en connaître un rayon, Willy, parce que les invités, les experts qui sont autour de la table, n'arrêtez pas de bouger la tête. Alors, bon, très bien. En termes d'aide, oui. Joanne Oliva, Anne Secret, Emmanuel Payette, pour répondre à Willy. C'est vrai qu'en termes d'aide, la seule aide qui existe actuellement, ça serait celle d'EDF. Pour les constructions neuves. D'accord. Il faut voir les cas de figure. Et c'est vrai aussi d'un autre côté qu'il n'y a pas, pour les constructions neuves, énormément d'aides financières. C'est vraiment, on est plus sur la rénovation lourde. Sur la rénovation, on peut avoir des aides, oui. Qui se cumulent. Sur le neuf, on peut avoir une aide d'EDF pour l'isolation de la toiture et des murs. Oui. Mais ça reste, à ma connaissance, l'une des seules aides qui existent pour le neuf. Voilà, mais cette aide, c'est pas pour l'entreprise, mais c'est plutôt pour le particulier. Pour le particulier. Pour le particulier qui souhaite voilà, nous, enfin, ce que je propose, moi, c'est que c'est pas vraiment innovant parce que ça existe déjà. C'est travailler le bois, je veux dire, le bois qui, voilà, adapter la construction des maisons qui peuvent, qui c'est des maisons qui sont emboîtables et qui prend aussi, qui encaisse bien la chaleur comme l'humidité. Mm-hmm. Donc, avec un système de, ben, quand le bois prend l'eau, le bois gonfle et, et prend une certaine forme, donc ça ça bouge pas et ça, la maison est en fonction du terrain aussi. Donc voilà, ça évite les fissures dans les, ça évite pas mal de choses. C'est des maisons qui ont fait déjà les preuves. Je commence à avoir des plaquettes. Eh bien voilà, je sais que ces maisons-là peuvent avoir financièrement, je pense que c'est accessible à tout budget, du moment qu'on a le terrain. Donc voilà, c'est une surface constructible. On a déjà la maison, on peut la construire à moindre coût et dans un temps record. Emmanuel Payette. Oui, j'allais dire que c'est une, a priori une bonne initiative. Si on parlait du matériau bois en lui-même, on a bien vu que nos anciens utilisaient déjà ce matériau. Qu'effectivement, le bois, il a un bon comportement à la chaleur et au froid et à l'humidité. C'est intéressant. Après, forcément, il faut faire très attention quand on utilise le bois sur son contact à l'eau. Hein, c'est pour ça que souvent on dit une bonne construction en bois, c'est une construction avec des bottes et un chapeau. Oh, c'est joli ça. Je vais la noter. Donc la construction en bois, c'est avec bottes et chapeaux. Les architectes, ou les architectes ou d'une personne qui pourrait certifier. Moi, j'ai la certifié. On peut, les produits sont certifiés. Mais pour faire valider tout ça. Oui, c'est un partenariat. Voilà, on peut faire que ce soit du PTZ ou autre. On peut faire dans n'importe quelle construction, on peut faire des extensions. Donc là aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent construire, qui veulent avoir accès à la propriété. Donc, Willy, vous parlez du PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Hein, donc secret, donc on peut dire un mot là-dessus. Oui, tout à fait. Bonjour Willy. Donc effectivement, sur le prêt à taux zéro, comme vous venez de l'évoquer, il s'adresse aux ménages primo-accédants, c'est-à-dire effectivement, pour un petit rappel, pour les personnes qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale dans les 2 ans qui précèdent l'achèvement de leur construction. Donc la construction que vous proposez, par exemple, extrêmement intéressante, et le prêt à taux zéro qui concerne essentiellement le neuf, mais on le verra peut-être plus tard, l'ancien dans certains cas avec des travaux importants, en tout cas dans le neuf sous conditions de ressources, ça pourrait être un dispositif financier très intéressant pour rentabiliser l'opération et accéder à la propriété. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et puis, pourquoi pas proposer aussi au SEM de faire, on est en train de se bagarrer, et si on est les nerfs de la guerre, c'est les appels d'offres, hein, y a les coûts qui sont tirés vers le bas, il y a plein de choses. Je propose une solution alternative aussi, donc voilà. Bon, si je peux juste rajouter, peut-être faire un partenariat, peut-être avec des architectes, pour avoir une vision globale du projet, parce qu'il y a plein de points à regarder, et même des points techniques. Aussi sur le choix du bois, hein, parce qu'il faut qu'il soit classe 4. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça à prendre en compte. C'est les matériaux, voilà. Les matériaux, les protections solaires, l'orientation, parce que comme vous le disiez aussi, après tout dépend du site sur lequel la maison sera implantée. Parce qu'elle est très intéressante en termes de chantier, parce que du coup, elle est préfabriquée, hein, donc elle va être une construction assez rapide. Donc, économie d'énergie, d'eau, etc., électricité sur le chantier. Mais après, c'est vraiment, comme vous dites, ça dépend du terrain d'implantation. Oui, vous aurez. Est-ce que c'est possible d'avoir les coordonnées de Bien des sûr, bien sûr. Alors, je suis sur la route, je ne peux pas les noter, bien sûr, bien entendu. Non, mais alors, à la fin de l'émission, de toute façon, on a vos coordonnées, Willy. On verra dans quelques temps si votre projet avance. Et puis, si vous avez besoin d'un sacré coup de main, les experts sont là pour ça. Donc voilà, soyez rassurés, on aura les coordonnées, on vous les transmet. D'accord, je vous remercie, bonne émission. Merci et bonne soirée. C'est un beau projet surtout et puis de très bonnes questions. Merci à vous Willy, à bientôt sur Réunion Première. Première. 13h-14h, tous en première avec Ingrid. Le zapping de la radio à 13h20, votre rubrique Connect Première. L'interview de l'invité de la matinale en rediffusion, ce sera à 13h30. Notre projet de loi sur l'égalité réelle fait l'objet d'une consultation. Tous en première avec Ingrid, du lundi au vendredi, de 12h45 à 14h sur Réunion Première. Réunion Première vous invite pour la nuit étoilée. Une rencontre musicale afro-caribéenne le samedi 8 octobre à partir de 20h30 au parc Expobat de Saint-Paul avec Michael, LJ, Pompis, Marvin, Felicia Ross et plein d'autres artistes. jouez et gagnez vos invitations en écoutant Réunion Première. Et tentez de gagner vos places pour la soirée VIP du jeudi 6 octobre. Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Est-ce qu'il existe des aides pour éco-rénover sa maison? Qui pour vous conseiller surtout dans le projet? Qu'est-ce que la rénovation énergétique? Est-ce que votre maison en ce moment consomme beaucoup d'énergie? Vous prenez la parole sur la première. Nos experts sont présents pour répondre à toutes les questions. Donc au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Ça même si m'étonne mon amour, ça même si mes qui m'a pour passer. Ça si m'est là, y a là-bas même, ça même si mes qui m'a pour passer. Ça même si mes devines d'être moi, ça même si mes qui m'a pour passer. Ça si m'est la lumière, ça même si mes qui m'a pour passer. Bon conseil qui vit dans la lumière, les coups ma soleil qui paie les pégas matin, qui donne salaire depuis beaucoup banané. Ce sages qui nous tout bizarre peut suivre. La lumière sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Les experts de la rénovation énergétique jusqu'à 11h30, Anne Secret de l'Agence départementale de la formation sur le logement, Emmanuel Payette du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et Joanne Olivard de la SPL Énergie Réunion. Au téléphone, Marie-Claude Duport. Bonjour Marie-Claude. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup pour l'émission qui nous éclaire. Oh, bonjour. Vous parlez de lumière. Oui, on en a besoin. Donc on en a besoin, mais pas tant que ça, hein, vous savez, hein, parce que ça consomme. Hein. Oui, un petit peu quand même. Bon, alors j'ai noté, Mathias qui fait un travail extraordinaire au Standard me dit que vous avez un projet de construction, c'est ça? Voilà, mais là je suis en petite retraite, je suis dans un loyer, oui. Et je suis à 50% en invalidité, et je vais avoir un petit terrain avec ma tante qui n'a pas eu d'enfant. Oui, mais c'est très cher, les frais de notaire, donc j'aurais aimé savoir si, étant dans ces critères-là, si je peux être exonérée de certaines choses, bénéficier de certaines choses, s'il vous plaît. Alors ça c'est pour les aides, Marie-Claude, on va vous renseigner, mais vous avez une petite idée aussi de la maison, votre future maison ou pas? Ah ben je voudrais beaucoup de lumière, on consomme moins. Oui. Des vitres avec des machins en sécurité, oui. Je pense. Vous la voulez en tout en béton, vous la voulez avec du bois, vous la voulez comment? Mais c'est on regarde toujours le moins cher. Vous regardez le moins cher, d'accord. Le moins cher, mais avec beaucoup de lumière, moi on consomme moins. Et avec la sécurité aussi, il n'y a pas de voleurs. Ouais. Et puis alors, la maison, vous imaginez, elle serait tournée comment sur le terrain? Est-ce que la porte d'entrée donnerait sur la mer? Est-ce que votre véranda donnerait sur la mer, sur la montagne? Comment vous avez pensé à tout ça? Sur la montagne plutôt, parce qu'il y a des sur voisins, donc je suis déjà été sur le terrain, j'aurais aimé quand même sur la montagne ou sur le côté, sur l'entrée qui donne sur la route. Ouais. Et donc, mais pas trop grande, une petite F3, tout simplement, mais avec beaucoup de lumière. Bon, alors en fait, je fais exprès de vous poser toutes ces questions parce que c'est important. C'est, parfois, on ne se pose pas ces questions-là, c'est clair. Alors, on va partir sur les aides et puis on reviendra un petit peu sur le côté technique. D'accord. Anne Secret. Alors, bonjour. Bonjour, madame. Alors, pour répondre à votre question, donc vous allez acquérir un terrain en donation de votre tante qui n'a pas d'héritier, si j'ai bien compris, c'est madame. Ça, oui. D'accord. Alors là, je vous réponds d'une façon très générale dans le cadre de cette émission. Oui. Il serait bon, malgré tout, que l'on se rencontre lors d'un rendez-vous qui est totalement gratuit, hein, oui, je le précise. Voilà. Pour bien étudier votre situation, il est possible, dans certains cas, lorsqu'on acquiert en donation un terrain, pas dans tous les cas, mais il va falloir bien étudier votre situation, d'avoir des aides pour payer les frais notariés qui sont liés à cette acquisition de terrain. Ces aides peuvent être octroyées, je dis bien peuvent, hein, puisqu'il faut vraiment prendre ça avec des pincettes aujourd'hui dans le cadre de l'émission, peuvent être octroyées par le conseil départemental. Pour autant, il faudra que vous preniez l'engagement de faire construire dans les deux ans un logement de type évolutif social. Par un organisme agréé. Oui. D'accord. Donc, qui dit prendre cet engagement, dit montage d'un dossier auprès de l'organisme, dit vérification des conditions de ressources, vérification de la régularité de votre acte authentique, etc. Oui. Voilà. Donc, il y a peut-être des options, mais il va falloir d'abord peut-être que vous rencontriez le notaire de votre choix pour faire un point sur la situation de votre tante dans le cadre de cette donation. Oui. Et ensuite, avoir un devis qui va, un devis du notaire de moins de 6 mois, qui va effectivement vous donner le montant des frais notariés. Et à partir de là, on pourra vérifier, nous, à la DIL, dans le cadre d'un rendez-vous, si vous êtes éligible à tel ou tel type d'aide. Oui, oui. Bon, j'ai déjà pris rendez-vous avec le notaire, je sais déjà le prix. C'est très bien. D'accord. C'est exorbitant, très bien. Hein. Mm-hmm. C'est d'accord. Très bien. Donc, si vous avez noté le. Enfin, si vous avez dans pris le rendez-vous avec 000 le notaire. Euros, hein. Et puis alors ensuite, oui, je comprends aussi que c'est pas donné. C'est pas donné. Ceci dit, vous pouvez aussi rencontrer la DIL, le CUE également, donc pour votre projet. Parce que je voudrais de l'aide, beaucoup d'aide. Oui, alors petite précision madame, pour votre projet, quand je parle de prendre l'engagement de construire, il s'agit avec une subvention de l'État, bien évidemment. Hein, oui. Et donc l'opérateur fait le montage financier. Oui. Maintenant, voilà, il faut étudier votre situation, la faisabilité de votre dossier. Là, c'est une réponse de principe. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Et puis après, maintenant, Oui. On arrive sur l'aspect, donc... Oui, de la lumière. Voilà, de la lumière, pratique, technique, etc. La maison, elle doit être positionnée comment, Emmanuel Payette? Alors, il n'y a pas une règle générale, hein, ce serait trop facile, ouais. Là, si tout de suite, ça dépend vraiment du site. Donc, il faut aller sur le terrain, donc ça, c'est important. Ou de ramener des photos. Enfin, déjà, ouais. Ce que je peux conseiller à madame, c'est effectivement comme pour la DIL, c'est-à-dire que le CAE assure, donc le Conseil d'architecture, l'urbanisme et l'environnement, assure des permanences dans les communes de Lille, très régulières, oui. Où on reçoit gratuitement les particuliers qui ont un projet de construction. Elle est sur le port. Donc sur vous recevez quand sur le port, port tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. Voilà. Mais le terrain, c'est sur la commune de Saint-Paul. Ah, ouais, c'est sur Saint-Paul aussi. Enfin, Saint-Paul, on est dans presque toutes les communes de Lille. Ah bon. Donc, on vous redirigera certainement à la fin de l'émission pour prendre rendez-vous. Oui. Et effectivement, à cette occasion, on va, avec tous les éléments que vous avez à votre disposition, l'acte notarié, le cadastre, enfin, tous ces éléments qui permettent de comprendre où se situe le terrain, les règles d'urbanisme qui s'appliquent. Oui. Mais en quoi tout ça, c'est presque fait? D'accord, ben justement, et du coup ça permet peut-être avant d'aller voir l'opérateur ou en parallèle de l'opérateur qui va pouvoir monter le dossier, qu'on regarde un peu ensemble le positionnement de la maison par rapport à vos par rapport à vos souhaits. C'est très bien de penser lumière naturelle, ventilation naturelle, les vues, tous ces éléments-là sont à penser. Elle a parlé aussi notamment d'un point de vue sécuritaire aussi, Joanne Oliver. Exactement. Voilà, d'un point de vue sécuritaire, il y a notamment les grillages au niveau des baies pour protéger de toute intrusion. D'accord. D'ailleurs, c'est recommandé par la réglementation. Dans certains cas, c'est pas obligatoire. Tout en sachant, madame, que lors de la construction neuve, il y a certains points techniques à respecter sur la construction. D'accord. Donc, en fait, le particulier est censé être informé de ces points techniques. C'est pas forcément toujours le cas de toute personne, on le comprend aisément. Du coup, il faut, lorsque vous construisez, par exemple, isoler la toiture. D'accord. Vous qui aimez que la lumière rentre, il faudra aisément aussi avoir un certain nombre de poissontages de baies sur les différentes façades principales de votre maison. Ça permettra l'entrée de la lumière, mais également pas trop d'entrée. Parce que sinon, si la lumière entre, ça fait énormément de chaleur à l'intérieur de la maison. Ah oui. Voilà, Marie-Claude, vous aurez dans une demi-heure à peu près les numéros de téléphone. Vous allez pouvoir appeler nos experts et puis caler des rendez-vous parce qu'ils tiennent des permanences, notamment certains jours de la semaine, sur Saint-Paul, puisque le terrain se trouve sur Saint-Paul. Oui. Voilà, d'accord? Oui, d'accord. Entendu. Merci beaucoup pour Marie-Claude, à bientôt sur Réunion Bonne Première. Bonjour, merci. L'info dans deux minutes et puis juste après les experts reviennent, les experts de la rénovation énergétique 02 62 99 2000 pour toutes les questions. Good, good, good, good. I'll be your sunshine, you can be mine. You'll be my wind chime, I got the ride. We'll have a good time, make up your mind. Hold with me girl, you're so fine. Good, good, girl, just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I joined the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man, I'll dance with them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you, I joined the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man, I'll dance with them nine. I'll be your sunshine this time. My girl, if you want, just call me. Anytime my love life starts get corny, we keep it steam up and stormy. Me and you team up and build an army. Come and love off the shape of your body. I'ma know say you want, come party. If you know say you want me target, girl, I'll be that doggy, doggy. Sexy chick, that's a my prerequisite. Hot girls gotta be my darling. Get to lick my beat if you step with it. All girls gotta eat my calling. From Kingston up to New Orleans, New Jersey right back to Spalding. You fin know this boy ain't stalling. We put in all in. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man I dash with them nine. I'll be your sunshine, my girl. Just let me be there for you anytime. It's so fine. For you I join the longest line. It's so fine. My girl broke out and wine. Wash up my brain and wash up my mind. When bad man I dash with them nine. I'll be your sunshine. Listen my voice, listen my vocal. Lock off your phone so your man don't call. I'm gonna give you this love total. Medical and it's antidotal. Oh yeah. Cause we are the top pro girl. International or local. Your man don't got it like me. Bonne fin de matinée à l'écoute de Réunion Première, il est 11h. L'info avec Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Une femme grièvement brûlée hier soir dans le quartier de Montgaillard à Saint-Denis, âgée de 43 ans. Elle fait partie des 4 personnes qui se trouvaient dans un appartement situé impasse Girimbel. Les 3 autres, un couple de quadragénaires et leur fils de 13 ans, ont été légèrement blessés en se défenestrant du premier étage. Les 4 victimes ont été admises au CHU de Saint-Denis dans la soirée. Il aura fallu mobiliser une vingtaine de sapeurs-pompiers pour venir à bout des flammes qui ont détruit l'ensemble du logement. Il serait au moins 300, plusieurs centaines en tout cas d'étudiants sont dans la rue ce matin pour protester contre l'insécurité sur le campus du Moufia. Cette manifestation fait suite au viol d'une étudiante, des faits qui se seraient produits hier dans une résidence universitaire du chef-lieu. Partis de la fac de lettres, les étudiants sont descendus jusqu'au Crous où ils doivent être reçus ce matin. Une enquête est en cours mais pour l'instant aucune interpellation n'a eu lieu selon le parquet de Saint-Denis. On en reparle à midi. Le conseil régional doit décider aujourd'hui du lancement d'une étude sur le parc national et son éventuelle évolution vers le statut de parc régional. Parc national on ne sait pas si cela a joué sur l'éviction toujours présumée de sa directrice Marie-Laine Noireau. Mais hier, le président du parc, Daniel Gontier, a confirmé que le président de la région, Didier Robert, avait bien sanctionné Marie-Laine Noireau, la directrice du parc, en tant qu'employée de la région. Daniel Gontier l'a dit hier soir dans l'émission politique de la rédaction de Réunion Première devant La Réunion. Social avec ce chiffre, 135 300, c'est à La Réunion le nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout pu travailler en août et qui sont donc recensés comme chômeurs de catégorie A. C'est 830 de plus qu'au mois de juillet. Le chômage semble donc repartir à la hausse. Explication dans notre prochaine édition. À midi et quart sur Réunion Première Radio, c'est dans l'actu, se penche aujourd'hui sur la gronde qui monte chez les retraités suite à la non-revalorisation du montant de leur pension au 1er octobre. Les syndicat dénonce un pouvoir d'achat en berne pour les retraités, d'où une nouvelle journée d'action jeudi prochain. Pour en débattre, Philippe Dornier recevra Alain Père, le co-secrétaire départemental de la FSU Retraités, Alix Lechat, secrétaire départemental des retraités CFDT, et Virginie Gobalou, secrétaire fédérale du PS, déléguée au social. Vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, et via Twitter avec le hashtag CD à La Première, également sur la page Facebook de l'émission. C'est dans l'actu. Il est 11h03, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à midi pour le journal de la rédaction. Dans un instant, les experts, mais tout de suite, que se passe-t-il en France et dans le monde? La réponse à Paris de France Info. Aux États-Unis, c'était cette nuit le premier débat de la présidentielle et avantage Hillary Clinton pour les téléspectateurs de CNN, jugé meilleur à 62% contre 27% à Donald Trump. Le républicain et la démocrate qui se sont accusés de tous les maux sur l'économie et la politique étrangère. Les deux candidats ont voulu montrer qu'ils étaient capables d'être présidents et surtout que l'autre ne l'était pas. La conclusion ce matin d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, c'est presque toute la planète qui respire un air ambiant trop pollué. Plus de 9 personnes sur 10 à travers le monde. L'OMS précise que 3 millions de décès par an sont dus à cette pollution extérieure. Plus de 50 000, le nombre en France de nouveaux demandeurs d'emploi en août en catégorie A. Une augmentation de 1,4% en seulement un mois et surtout la plus importante depuis 2013. Le gouvernement met en avant les conséquences des attentats de juillet sur le secteur du tourisme. Les images, souvenez-vous, avaient fait le tour du monde il y a un an, celle d'un responsable d'Air France. La chemise arrachée par des salariés. Le procès s'ouvre ce matin devant le tribunal correctionnel de Bobigny. 15 personnes comparaissent. 5 salariés ont depuis été licenciés. 2 anciennes figures de la police ont passé la nuit en garde à vue. Christian Flech, l'ex-patron de la PJ parisienne, et Bernard Squarcini, dit le Squal, ancien chef du renseignement intérieur. Ce dernier, au cœur d'une affaire de trafic d'influence, reconverti dans le privé, il aurait utilisé ses contacts pour obtenir des informations confidentielles. France Info. Un coup d'œil sur la météo. Et ces nuages qui sont à mi-hauteur, seuls les plus hauts sommets comme le Piton des Neiges ou le Dimithil sont vraiment au soleil. Et puis les cirques également, notamment ils risquent, malheureusement, donc ils risquent de pleuvoir sur Salazie. Et puis dans l'après-midi, le temps sera gris dans les Hauts-de-Saint-Paul. En revanche, il continuera de faire beau sur l'ouest et le sud. Est-ce que vous avez besoin de conseils pour rénover votre maison, pour construire votre future habitation? Pourquoi il est important de traiter efficacement votre consommation énergétique? Les éco, prêt à taux zéro pour qui, quels sont, notamment pour quels travaux, et comment faire pour y avoir droit, les démarches. On en parle avec les experts de la rénovation énergétique sur Réunion Première, Anne Secret de l'Agence départementale d'information sur le logement, Emmanuel Payette du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et puis Joanne Olivard de la SPL Énergie Réunion. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream. Build a wall between us, but you know they won't win. Oh, yeah, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream. Souvenir sur Réunion Première avec Paul Young. Première. 16h, 18h, le Bon Tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le Bon Tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le Bon Tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Retour aux experts de la rénovation énergétique sur Réunion Première avec Anne Secret, Emmanuel Payet et puis Johan Oliva qui répondent à toutes les questions au 02 62 99 2000. S'il vous plaît, où se situe vraiment la différence entre une éco-construction et puis une construction dite traditionnelle? Vous pouvez répondre à la question, Johan Oliva. Notamment, les gens se posent vraiment des questions. C'est où la différence? Sur les points techniques, notamment. Traditionnel, ouais. Il y aura forcément parfois la circulation du vent qui aura été réfléchie en amont. Sur l'éco-construction, ce qui viendra en plus de la circulation d'air, de la ventilation qui aura été envisagée, réfléchie au préalable de la construction. Il y aura également, en plus de cela, l'isolation thermique. Donc, ouais. À minima de la toiture. 40% des apports de chaleur d'une maison viennent de la toiture. Donc, première chose à faire sur une éco-construction, c'est l'isolation de la toiture. En complément, bien entendu, la plupart du temps, à minima, isolé de murs, donc de façade, à minima, ou la totalité des murs en fonction de la courbe du soleil. Il y a également les protections solaires, donc les débords de toiture, les auvents, les brise-soleil, qui, avec ces trois éléments-là, participent justement, en fait, à diminuer la température à l'intérieur d'une maison. Il faut de la chaleur à l'intérieur d'une maison, mais... Il faut de la chaleur à l'intérieur de la maison. Pour avoir aussi un confort thermique agréable, notamment dans les hauts, en hiver. Là, on parle de cela. On aura des stratégies différentes, si on est dans les hauts ou dans les bas. On aura des stratégies différentes. Ça va dépendre où c'est que l'on voudrait construire, où c'est que la maison se trouve, si c'est sur la côte, si c'est sur... On a plein de microclimats à La Réunion. En bord de mer, etc., etc. Dans l'Est, dans l'Ouest. Là où il pleut souvent, par exemple. C'est ça. Donc, il y a plein de stratégies à mettre en œuvre. Et derrière, justement, les acteurs que nous sommes à la disposition du public, on est vraiment là pour aider tout particulier qui se pose des questions sur l'éco-construction, les aides financières, la rénovation. Les gens ne savent pas forcément où se renseigner. Ben aujourd'hui, l'émission de radio nous donne cette occasion de nous faire connaître davantage, si ce n'est déjà le cas, et de dire aux gens, n'hésitez pas à venir nous voir pour toute question qui concerne la rénovation, la construction, l'orientation de la maison sur un terrain, etc. Anne Secret de la DIL, alors on va revenir évidemment sur les aides, sur les coprés à taux zéro, mais un mot sur ces professionnels, ils sont faciles à trouver. Alors, Pour l'éco-rénovation, oui. Dans le cas d'une rénovation, effectivement, si on souhaite obtenir des aides, notamment des aides financières, primes EDF, Agir Plus, éco-prêt à taux zéro dans le cas d'une rénovation, puisque là, ça concerne uniquement les logements anciens et les crédits d'impôt, les professionnels à qui l'on doit s'adresser, ce sont des professionnels qui ont un signe de qualité appelé RGE, reconnu garant de l'environnement. Ce label, en fait, atteste des compétences professionnelles d'une profession concernée, justement. Vous êtes professionnel, vous faites de l'isolation, vous pouvez, si toutes les conditions sont remplies, avoir un label en efficacité énergétique, ou en chauffe-eau solaire, si vous faites du chauffe-eau solaire. Pour l'organisme ADIL, et tous les organismes autour de cette table sont complémentaires, puisque effectivement nous avons des conseils qui ne peuvent aller les uns sans les autres, pour notre site internet, sur notre site, nous avons par exemple diffusé, juste à titre informatif, une liste donc des entreprises qui sont labellisées RGE. Qui sont labellisées, oui. Et cette liste est évolutive, bien évidemment, puisque tous les jours, les organismes, les entreprises acquièrent ce label pour justement accéder au marché de la rénovation. RGE. Exactement, RGE. Alors, Johan Olivard, les séparations, et je pose la question également donc à Emmanuel de Payet, les séparations à l'intérieur de la maison, on part sur des murs, on part sur du béton, on part sur du placo, selon vous? Je dirais qu'on va partir plus sur des cloisons, hein, des cloisons plutôt légères. On va peut-être penser éventuellement à l'isolation phonique éventuelle. Encore qu'on est dans des maisons qui sont quand même très normalement aérées, ventilées, ouvertes sur l'extérieur. Ouais. Mais on va partir... après, il n'y a pas de... Encore une fois, chaque projet est différent. Il n'y a pas une seule règle. Ouais, tout dépend du projet, de la structure... De la volonté du particulier, mais aussi du portefeuille aussi de la personne. Complètement, mais aussi du sol, de structurellement, comment il faut tenir, porter la maison. Voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Et si je peux juste revenir sur l'éco-construction. Ouais. Dans éco, parce qu'on parlait RGE, garant de l'environnement, on peut entendre éco aussi comme écologie. Et pas qu'économie. Ouais. Ouais. Et donc, il y a d'autres critères qui peuvent rentrer en jeu. La santé, hein, donc le choix des matériaux, et là même dans le comportement, dans les produits qu'on utilise quotidiennement, dans les peintures, dans les plastiques, enfin, plein d'éléments comme ça, où la santé est très importante à prendre en compte, même dans la construction ou dans la rénovation d'une maison. Ou la question des... Je crois qu'on a quatre fois, en termes de taux de mortalité par rapport à l'asthme à La Réunion, quatre fois plus important qu'en métropole. Donc il y a des problématiques de moisissure, d'allergie aussi, hein, aux graminées, etc., mais aussi de moisissure. Donc c'est vraiment important. La ventilation, c'est pas que pour le confort thermique, c'est aussi pour la santé. Alors un mot, parce que c'est vrai que les clims étaient au repos avec l'hiver austral, bientôt l'été, donc les clims vont se mettre à tourner et encore tourner, donc ça consomme beaucoup, John Oliver. Oui, on le sait, même si maintenant les fabricants, les constructeurs et les distributeurs font des clims, distribuent des clims de plus en plus économes, la clim reste malgré tout l'un des appareils dans une maison qui consomme le plus d'électricité. Il faut savoir qu'en moyenne, une clim qui fera 2000 watts de puissance peut consommer jusqu'à 240 euros d'électricité annuelle. Donc, c'est beaucoup, hein. En tournant, en fonctionnant 3 heures par jour toute l'année. Donc, Pense qu'il y en a qui dorment avec le soir. Exactement. Si les enfants ne font pas attention, si on a 2 ou 3 clims dans la chambre des parents et dans la chambre des enfants, on peut arriver facilement à des factures d'électricité annuelles de 1200, 1500 euros avec des arriérés. Donc, là-dessus, ce que la SPL tient à dire, c'est que vraiment, on est à votre disposition. Il n'y a pas de fatalité. Il y a énormément de choses, d'actions qu'on peut mener sur la clim ou sur tout autre appareil pour réduire sa facture d'électricité. Donc, n'hésitez pas. Autre élément important qui concerne aussi la santé, c'est qu'une clim, c'est bien installé si on a les moyens. Encore, il faut l'utiliser de façon rationalisée. Derrière, il faut l'entretenir 1 à 2 fois par an et si possible par un professionnel pour une qualité de fonctionnement, mais aussi pour une question de santé. Entretenir sa clim 1 à 2 fois dans l'année ? Oui, oui. Juste avant justement de reprendre la période d'été, vous pensez que l'on respecte ça ? Je sais que c'est pas évident, le coût d'intervention, mais derrière il y a 2 paramètres à prendre en compte. C'est sur l'efficacité et la durabilité de l'appareil, la durée de vie, premier élément, et deuxièmement, non moins important, c'est la santé des occupants. C'est-à-dire que si elle est mal entretenue, il risque derrière d'avoir des allergies, des gens qui sont asthmatiques, qui ont des soucis de santé encore plus importants. Donc derrière, il y a aussi cette problématique de santé. Alors, pour un conseil aussi pour nos auditeurs, notamment la clim réversible, parce que c'est la grande tendance, c'est la clim qui fait chauffage et qui fait chaud-froid, voilà, c'est ça. Vous en pensez quoi ? Oui, d'accord, si, pareil. Tout est une question d'individu et de moyens. Derrière, si les gens ont les moyens de se les permettre, oui. Derrière, ce qu'il faut regarder également, c'est la puissance en watts de l'appareil. Là, on est sur des appareils à grosse puissance qui, forcément, utilisés sur beaucoup d'heures dans la journée, représentent un point important du prix de la facture d'électricité. Premier élément. Deuxième élément, derrière, tout dépend comment on l'utilise également. Emmanuel Payet. Oui, j'allais juste rajouter, c'est un équipement. Donc, comme tout équipement, il faut bien choisir, pour sa performance. Mais avant d'en arriver à cette solution, c'est bien de regarder quelle autre astuce on peut mettre en place pour éviter d'en arriver là, d'en arriver à utiliser un équipement. Et j'en reviens toujours, moi, sur la même base, mais sur la conception de la maison, ou simplement, même si on est en rénovation, sur les éléments sur lesquels on peut travailler, et notamment les protections solaires par rapport aux ouvertures, les changements des menuiseries. C'est important. les protections solaires, donc que ce soit casquettes, des bords de toiture qu'il y avait sur nos cases anciennes aussi, hein, je reviens encore là-dessus, les volets persiennés, donc à lame en bois qui laisse passer l'air notamment et qui en plus empêche les voleurs, quoi, de l'intrusion de voleurs entre autres. Et en plus, donc, j'ai mon collègue qui me disait tout à l'heure qu'il y a des aides financières, aussi financières pour les protections solaires et les menuiseries. Donc, il faut en profiter. Voilà, toujours, toujours une question une volonté aussi du ministère du Développement Durable, c'est de simplifier les démarches et simplifier les critères techniques pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à la plupart des aides financières qui existent en éco-construction, notamment de la rénovation. Donc, il y a des possibilités si on veut changer des volets, mettre du double vitrage, des débords de toiture, des auvents, des brise-soleil. Auparavant, il n'y avait pas éventuellement de possibilité d'avoir d'aide financière. Maintenant, c'est le cas. On a des aides financières qui peuvent être attribuées si on veut mettre ce type de matériaux sur la toiture pour éviter les rayonnements solaires à l'intérieur de la maison. Promis, Yann Secret, je sais que vous levez le doigt depuis tout à l'heure. On revient sur les aides, promis, parce que les auditeurs ont besoin d'en savoir un peu plus au 02 62 99 2000 pour toutes les questions, évidemment. Sur les aides, on reviendra sur les prêts à taux zéro. Et puis, vous aider aussi dans vos démarches, on en parlera juste après Michael Miro sur la première. On marche à l'ombre des villes, on part en avance pour traîner un peu. En regardant le temps qui file, on se prend au jeu. Voudrais tenir les rênes, voguer sur les vagues, béni des dieux. Mais dans cette file indienne, on se perd un peu. On regarde le large tranquille, on fait passer nos âmes à la machine, des poignées de billets verts à la main. Laisse-moi m'en aller où le vent me porte, laisse-moi m'en aller. Laisse-moi m'en aller, laisse-moi m'en aller, ouh, laisse-moi m'en aller. On goûtera de nouveaux délices, c'est sûr. On tuera le rêve américain. Y aura l'amour qui s'immisce, si tu veux bien. On prendra le large tranquille. On fera tourner des rondes sur notre île. Dessin d'un autre monde à la main. Laisse-moi m'en aller où le vent me porte. Laisse-moi m'en aller où ouvre la porte. Laisse-moi m'en aller. Laisse-moi m'en aller où. Laisse-moi m'en aller où le vent me porte. Laisse-moi m'en aller où ouvre la porte. Laisse-moi m'en aller. Laisse-moi m'en aller. Ouvre la porte, on ne manque de rien. Là où le bleu existe, où les secondes glissent, on fera chanter nos lendemains. Laisse-moi m'en aller, laisse-moi m'en aller. Les autobuses te offrent la possibilité de connaître algunos de los rincones más interesantes de la ciudad. Laisse-moi m'en aller où le vent me porte. Laisse-moi m'en aller où ouvre la porte. Laisse-moi m'en aller. Laisse-moi m'en aller où. Laisse-moi m'en aller. La maison, qui pour vous conseiller, surtout dans votre projet, qu'est-ce que la rénovation énergétique? Il reste un petit peu moins de 5 minutes pour contacter Mathias au standard de la première, au 02 62 99 2000 pour les questions en direct, et puis par SMS au 06 92 70 2000. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Oui, Anne Secret, les aides surtout et retour sur l'éco-prêt à taux zéro. Voilà. Oui, l'éco-prêt. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure. Oui, effectivement, pour rebondir sur ce qu'on disait, dans le cas d'une rénovation, il y a un prêt auquel on ne pense pas forcément et dont il faut parler puisqu'il est extrêmement intéressant. On l'a évoqué, c'est l'éco-prêt à taux zéro. L'éco-prêt à taux zéro, c'est un crédit donc sans intérêt. D'accord, qui peut être octroyé par certains établissements bancaires, pas tous, puisqu'il concerne essentiellement les établissements qui ont signé une convention avec l'État, donc votre banque ne va pas forcément faire ce produit, mais peut-être, alors allez-y, faut vraiment faire le tour des banques de la place. Ce crédit qui est octroyé sans condition de ressources concerne les logements dont le permis de construire a été déposé avant 2010. Donc ce sont quand même des logements assez récents finalement. Donc on voit bien le neuf. Des logements qui ont même pas six ans. D'accord. Exactement. Ouais. Donc le neuf n'est vraiment pas concerné par le dispositif. Ouais. Et cet éco-prêt peut financer des travaux qui permettent donc au logement donc d'avoir une performance énergétique bien meilleure que celle dont il bénéficie. Vous avez trois possibilités avec cet éco-prêt, juste pour citer très brièvement les possibilités de travaux. Vous pouvez envisager des travaux de protection solaire des toits, des murs, réhabiliter votre chauffe-eau solaire. On parle vraiment du bouquet de travaux. On peut choisir de faire autre chose, puisque ce n'est pas cumulatif, hein, il y a des choix à faire. On peut choisir de réhabiliter tout simplement sa fosse septique à hauteur de 10 000 euros pour l'éco-prêt, lorsqu'on est sur une fosse septique. Troisième option, si tout votre logement nécessite une réhabilitation énergétique importante, on va choisir un ensemble de travaux cumulatifs, d'accord ? Donc performance énergétique des murs, des toitures, des parois vitrées, etc., chauffe-eau solaire. Et à ce moment-là, on choisit un bouquet global, jusqu'à 30 000 euros peuvent être octroyés justement aux ménages qui veulent rénover. Alors, ce qui est intéressant, exactement, ouais. Et ce qui est très intéressant, et ça, on le souligne peut-être pas assez, c'est que les travaux, effectivement, se font au cours de la vie du logement, mais peuvent également s'envisager au cours d'un achat d'un logement ancien. Et dans ce cadre-là, il faut savoir qu'il y a d'autres dispositifs, notamment le prêt à taux zéro pour l'achat d'un logement ancien avec travaux, qui est cumulable avec l'éco-prêt. Petite question de Marie de Saint-Joseph. Je souhaite faire l'isolation intérieure de ma maison, mettre des fenêtres Velux. Donc en toiture, du coup, les Velux. Voilà, sur le toit, exact. Et elle voudrait savoir si j'ai droit au crédit d'impôt ou alors au taux à prêt zéro. Alors, en dit. Oui. Oui, les deux. Ah oui, allez-y. Les deux, sous critères techniques, bien entendu. Mais pour l'isolation de la toiture, le fait de mettre en place des baies vitrées ou des solutions vitrées. Au niveau de la toiture, hein, c'est ça. Ouais. Voilà. Là, au niveau de la toiture, tout simplement, de l'isolation, il y a possibilité de cumuler différentes aides financières. Celle d'EDF, le crédit d'impôt a posteriori, hein. Et bien entendu, l'éco-prêt à taux zéro. Toutes ces possibilités d'aides financières se cumulent pour faire baisser, on le répète depuis tout à l'heure, de façon significative, le coût de la mise en œuvre de l'isolant. Je vais juste préciser que pour mettre en place des Velux, donc des ouvertures en toiture, il faut aussi respecter les règles d'urbanisme, hein, de savoir si dans la zone dans laquelle... Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Ça se fait pas comme ça. Il y a, une déclaration de travaux à effectuer certainement, et puis à vérifier si c'est autorisé dans le secteur de la commune concernée de faire des ouvertures en toiture. Pourquoi ? Parce qu'une ouverture en toiture à La Réunion, ça peut être aussi un apport de chaleur très important aussi, ou être visible dans le paysage, hein, par rapport à des architectures plus traditionnelles et un patrimoine alentour. Ouais. Donc ça se fait pas, comme ça. N'allez pas faire un trou dans la toiture pour mettre un Velux. Et surtout avec un professionnel. Voilà. Alors l'intérêt en fait du Velux, oui, Joan Oliver. Ben, d'en mettre. Oui. On gagne en quoi ? En luminosité, c'est ça ? On a pas de luminosité essentiellement. Et de ventilation, parce que du coup, ça fait effet cheminée, donc comme un tirage thermique. Ça fait effet cheminée, oui. Donc, ça fait tirage thermique. D'accord. Donc, ça permet d'évacuer plus facilement, de créer un courant d'air, si on ne peut pas le faire sur deux façades. Ouais. Mais attention, il y a des Velux qui existent avec protection solaire intégrée. Il y a quand même plein de systèmes. Et puis surtout, bien travailler l'étanchéité. Exactement. Parce que c'est aussi un risque d'infiltration d'eau en toiture. Et quand l'eau s'infiltre quelque part, après, très, très difficile de solutionner, enfin de trouver une solution. Là, en l'occurrence, c'est de la rénovation, mais pour ce qui est de la réglementation sur la construction neuve, ce n'est pas conseillé, voire interdit, sur les constructeurs, des constructions neuves qui se construisent en dessous de 600 mètres d'altitude. Donc la réglementation a pris ça en compte et se rend compte que justement que les Velux ou les fenêtres en toiture ne sont pas forcément recommandées ici à l'île de la Réunion. Sauf pour les hauts. Pour ceux qui sont dans les hauts, oui. Voilà. Vraiment à cause de cette problématique de confort thermique, en fait, de la chaleur. Mais après, il y a d'autres dispositifs. Ça peut être des ouvertures avec des décalages de toiture et ça donne un peu comme les sheds, comme on a dans les bâtiments industriels, où on a l'ouverture qui est... Qui est sur la façade, en fait, mais avec un décalage de toit qui permet, du coup, de créer cette ventilation et cet apport de lumière naturelle. Exactement. Il y a plein d'autres solutions. Anne Secret. Oui, juste en ce qui concerne le dispositif crédit d'impôt dont on parlait, pour donc les types d'équipements dont il est question, il faut juste préciser que le crédit d'impôt ne concerne que les résidences principales des propriétaires occupants, voire des locataires, avec l'accord du bailleur. Donc si vous êtes bailleur et que vous voulez un crédit d'impôt, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Réunion Première pour parler de la rénovation énergétique. Je vais laisser quelques numéros de téléphone. Anne Secret, notamment de l'Agence départementale d'information sur le logement, c'est le 02 62 41 14 24. Emmanuel Payette du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, c'est le 02 62 21 60 86. Et puis alors, j'ai pas le téléphone de Johan Olivard, la SPL Énergie Réunion. Allez-y, oui. Oui, donc facile à retenir. Donc c'est un fixe. Un téléphone fixe, 02 62 257 257. Donc facile à retenir. Merci beaucoup, à très bientôt sur Réunion Première. Merci, merci. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Quatre heures grand matin, m'y lève, la frêle, la préconie, chamois. Café coule dans bois, sous tôle, soleil, la prélevé. Dans tes mains, mes dames, mon fond, m'y fait un petit roussi pour moi. C'est dame, un courage pour commencer mon journée de travail. Échauffé, échauffé, échauffé, échauffé, échauffé, échauffé. N'a qu'un goûté. Quand il arrive, travail mon dalon, il demande à moins combien. Combien de temps pour nous craser avant qu'un trappe nous mangeaille. C'est tant tellement que nous tout y veille qu'elle est à la fini arrivée. Fait qu'un chape le maille pour nous qu'un mange nous réchauffer. Réchauffer, réchauffer, réchauffer, réchauffer, réchauffer, réchauffer, réchauffer. N'a qu'un goûter. Réchauffer, réchauffer, réchauffer. Nevers qui sont comme la cloche, les connes nous toutes les combats. Chacun y s'attrape dans son bête et son petit gazon. Nous tout y entre pour acquis, ça n'est n'a le meilleur gamelle. Nous pense déjà demain quel carré nous s'en manger. Réchauffé, réchauffé, réchauffé, réchauffé, réchauffé, n'a qu'un goûté. Chauffer. I've got fire for a heart. I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. I got a river for a soul. And baby, you're a boat. Baby, you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. The shell of a man that could never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone, yeah. All my life, you stood by me. When no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. All my life, you stood by me. When no one else was ever behind me. All these lights, they can't blind me. With your love, nobody can drag me down. Can't blind me with your love. Nobody can drag me down. Rendez-vous avec les experts. Demain, mercredi, nous serons en compagnie des experts de la caisse d'allocation familiale. On mettra l'accent sur la médiation familiale, la solution surtout pour sortir de l'impasse. Une crise difficile à surmonter peut-être, une communication qui n'existe plus au sein de la famille et puis surtout comment prendre contact avec ce médiateur familial. Rendez-vous demain de 10h15 à 11h30 avec les experts de la CAF au 02 62 99 2000. Première. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparto una sonrisa, vivo al mundo, le das tu sabor. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega. Son abierto mi voz que te llama, amigo mío, apúrate. Con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló. Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo. Con el viento, mi voz que te llama. vida es una sola y todo empieza ahora. Nunca pares de soñar. Kenji Girac sur Réunion Première, le meilleur de la musique locale, voici Bester. Et puis ne manquez pas à 12h15 votre émission C'est dans l'actu. Et puis aujourd'hui Philippe Dornier s'intéresse aux retraités. Thank you.

Décès de Monsieur Waraud, Antoine Jean-Hugues. Monsieur Waraud, Antoine Jean-Hugues, décès survenu à l'âge de 56 ans. Le convoi sortira de son domicile au 58 chemin de Saint-Turas, Saint-Benoît. Aujourd'hui, mardi 27, à 13h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 14h, l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Décès de Monsieur Mahé Emmanuel Marie-Joseph, dit Capitaine Mahé. Monsieur Mahé Emmanuel Marie-Joseph, dit Capitaine Mahé, décès survenu à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira de chez sa fille, Madame Nourie Martine, au 17 rue Benoît de Boulard, Bourbier, Beaulieu à Saint-Benoît, demain mercredi 28 septembre à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 16h, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Éléonore Jules Gilbert, dit Janvion. Monsieur Éléonore Jules Gilbert, décès survenu à l'âge de 76 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima. Aujourd'hui, à 14h15, la bénédiction aura lieu en l'église de la Source à 15h, l'inhumation au cimetière de l'Est. Décès de Madame Robert Paul, épouse Putien. Madame Robert Paul, épouse Putien, décès survenu à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira du domicile au 163 rue Routier Grandval à Bois-Rouge, à Sainte-Marie, suivi de la bénédiction en l'église de la Rivière des Pluies à 15h. Aujourd'hui, l'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Maillot, née Pont-Gérard Jeanne. Madame Maillot, née Pont-Gérard Jeanne, décès survenu à l'âge de 65 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie aujourd'hui, après la bénédiction qui aura lieu au centre funéraire de Bois-Rouge à 14h, l'inhumation au cimetière de Saint-Bernard. Décès de Monsieur Robert Gislin. Monsieur Robert Gislin, décès survenu à l'âge de 70 ans. La veillée a lieu au domicile au 130 rue Ronsard à la Crête, au 6e kilomètre à Saint-Joseph. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Sama, née Blagonville, Marie-Jeannette, ancienne cantinière à l'école de Beaufont à Saint-Benoît. Décès survenu à l'âge de 88 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 8 rue des Lilas à Bras-Fusil à Saint-Benoît. Décès de Madame Zilmia, née Rustan, Marie-Rita. Madame Zilmia, née Rustan, Marie-Rita, décès survenu à l'âge de 94 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Prima. La bénédiction aura lieu aujourd'hui à 14h en l'église de Sainte-Suzanne, l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Cérine Nélorette Noëlla. Madame Cérine Nélorette Noëlla, décès survenu à l'âge de 81 ans. Le convoi sortira de son domicile au 24 chemin Mazot à Piton-Saint-Leu. Aujourd'hui, mardi à 13h30, la bénédiction se fera en l'église de Piton à 14h, l'inhumation au cimetière de Tonrouge. Décès de Boyer Chlorate Angéli, fille de Monsieur Boyer Suliman Émile et de Madame Chlorate Marie-Christine. Décès survenu à la naissance. Le convoi sortira du CHU de Belle-Pierre. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu au CHU de Belle-Pierre à 15h30, suivi de l'inhumation au cimetière de l'Étang Saint-Paul. Décès de Monsieur Waraud, Antoine Jean-Hugues. Monsieur Waraud, Antoine Jean-Hugues, décès survenu à l'âge de 56 ans. Le convoi sortira de son domicile au 58 chemin Ceinture à Saint-Benoît. À 13h30 aujourd'hui, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît. À 14h, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Françoise Victor. Monsieur Françoise Victor, décès survenu à l'âge de 82 ans. Le convoi sortira du 11 Terre, avenue Raymond Barre à l'étang Salé-Léo. Aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église de l'étang Salé à 15h30, l'inhumation au cimetière de l'étang Salé. Décès de Monsieur Séry Philippe, époux de Madame Séry Marie-Nadine. Monsieur Séry Philippe, décès survenu à l'âge de 47 ans. Le convoi sortira du 142 chemin Corbeil d'Or au Tampon demain mercredi 28 à 13h30. La bénédiction en l'église du Pont d'Yves à 14h. L'inhumation au cimetière de Bras de Ponto. Décès de Monsieur Grondin Joseph Alain. Monsieur Grondin Joseph Alain, retraité de France Télécom. Décès survenu à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira du 2 rue Jules Waraud, les Lianes à Saint-Joseph. C'est pour demain mercredi 28 à 10h30. La bénédiction aura lieu en l'église des Lianes à 11h, suivi de l'inhumation au cimetière des Lianes. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques communiqués pour ce mardi avec la CISE Réunion qui informe ses abonnés de la commune de Saint-Leu que suite à des travaux de maintenance de la Saphir sur la conduite du bras de Silaos, la distribution en eau sera perturbée, voire interrompue pour demain mercredi 28. Sur le secteur du Portail, la ZAC Portail, le secteur de la Pointe-Oussel, Léo, le secteur de Stella, le secteur de Madurand, la ZAC Forachaud, lotissement Le Lièvre, lotissement des pêcheurs, lotissement Ticanal. Et puis Sudéo qui informe ses abonnés de la commune de l'Entre-deux que suite à un manque de ressources, la distribution en eau sera interrompue toutes les nuits de 22h à 5h du matin sur les secteurs suivants. Si vous habitez la rue Jean-Lorette, partie comprise entre la rue de l'Église et la rue de la Table, le chemin Le Perlier, le chemin des Acacias, chemin de l'Arc-en-Ciel, impasse des Bananiers, la rue des Faux, chemin Neuf, la rue Benjoin, le chemin de la Source Raisin, la rue Maurice Berrichon, la rue de la Cure, rue Corneille, lotissement Benjoin, le 1, le 2, le 3, le chemin de Trou de Terre, l'impasse des Goyaviers et toutes les voies adjacentes. Le TCO qui mène actuellement une enquête publique sur la révision du Scott West, vous intéressez à l'aménagement de votre territoire, afin d'en savoir plus sur ce schéma de cohérence territoriale, le TCO qui vous invite à une réunion publique demain mercredi 28 en salle de conseil municipal de Saint-Paul de 17h30 à 19h30. Et puis Veolia qui informe aussi ses abonnés, notamment les clients de la commune de Saint-Denis, qu'en raison de travaux sur le réseau, l'alimentation en eau sera interrompue à partir de 13h demain. Donc pour les secteurs suivants, sur Saint-Denis, chemin Alfred Mazarieux, la partie comprise entre le foyer Alice Verdun et la route de Saint-François, le raidillon de Saint-François, la route de Saint-François du PK7 au PK6 et la ruelle Bertil. Il est midi. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Un obus découvert ce matin en plein centre-ville de Saint-Denis. Ce sont les ouvriers d'un chantier de terrassement situé rue Juliette Dodu qui ont eu la surprise de déterrer l'engin explosif. Témoignage de l'un d'entre eux dès le début de ce journal. À Saint-Denis, toujours des centaines d'étudiants dans la rue ce matin pour dénoncer la violence sur le campus du Moufia, conséquence d'un viol qui aurait été commis sur une étudiante hier. Nous serons en direct du Crous où une délégation de manifestants a été reçue ce matin.